Vous partirez au sport d'hiver cette année? Oui, on ira dans les Alpes en février. Thomas montera sur des skis pour la première fois de sa vie. Étienne lui apprendra à skier? Oui, il lui apprendra. Les enfants apprennent tellement vite. Vous resterez combien de temps? Si personne n'a d'accident, nous resterons une semaine. Tu sais bien skier? Ouf, non, pas vraiment. Je suis débutante, alors je prendrai des cours avec un moniteur et je m'entraînerai sur les pistes vertes et peut-être les bleues. Comme Étienne est un skieur confirmé, il passera ses journées sur les pistes rouges et noires. Tu prendras les remontées mécaniques? Oui, mais j'ai horreur de ça. J'ai le vertige. J'essaierai de fermer les yeux. Si c'est vraiment trop difficile, je changerai d'activité et je ferai du ski de fond.